le comité de souvenir du président Kim Il-sung et le comité espagnol pour le souvenir du président Kim Il-sung sont constitués respectivement le 4 courant au Venezuela et à Madrid. Les comités de souvenir ont décidé d'organiser significativement diverses cérémonies politico-culturelles en l'honneur de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits immortels du président Kim Il-sung à l'occasion du 22e anniversaire de son décès. Par ailleurs, le même jour, le comité de souvenir du camarade Kim Il-sung est constitué à l'Association russe d'études des étudiants.